voilà, nous sommes ensemble dans tout après-midi avec les chansons pour vous faire plaisir. Voilà, donc on continue bien sûr avec les chansons. Et voici le groupe Mi-Commission. Et puis juste après, ils sont deux en duo avec Modern Talking. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. on you, cause I've got so many things to do. So won't you open the door, and you will see it's me. You've been waiting for me. Tell me if the sky is blue, and I will show you how much I feel for you. Hey baby, come on, please do, and let me know how old are you. Thank you. Voici donc Alain Chamfort et puis celui de Jean-Pierre Madère.

almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. I've been older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Assez fort, assez fort. Est-ce que tu me veux, mon âme, mon Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. C'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. Voici donc Véronique Jeannot. Bien sûr, en duo. Juste après deux titres différentes, et puis un petit coucou Albino, c'est tout simplement la musique de Fouette de Pan. Raconte la même histoire. Y a toujours un garçon et une fille au désespoir. Cette situation verra qu'il spie. Mélodie, on entend partout. Je le chante. Oh, I need you, baby. I need you, baby. Baby, yes, I do. Yes, I do. C'est toujours, toujours qui rime avec. Souffrir, oh, oh, oh, mon premier c'est.

beginning. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. I'm giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Shakira et puis suivi après le groupe Magic System. Yeah. ensemble avec les Bionix. Oui, voilà. Debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, se prend le temps, se font que courir. C'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'adresse. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi un mot, c'est dur, je stresse. Un moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, des promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne n'abronche. Franchement, par les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse un manchement. Veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Me réveillerai, il fait si froid dehors, le ressentez-vous?

tout changé. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Dalida et puis suivi de tout simplement Françoise Hardy.

toi, regarder le soleil qui s'en va. Tu parlais du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants sont pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envole les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. L'école des filles et des garçons.

Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Let's go to Jamaica. We can limbo on the sand to steal the bank. Voici donc le groupe Gold, et puis suivi tout simplement de Ozone. Iubirea mea primește fericirea. Ale, dvojník, dá se vždy jinou černý mík. Vlej se pleš, dále numa, numa, jej. Numa, numa, jej. Numa, numa, numa, jej. Kým potel, žít na poslední dej. Na vytes, kterou ti tajej. Vlej se pleš, dále numa, numa, jej. Numa, numa, jej. Numa, numa, numa, jej. Kým potel, žít na poslední dej. Na vytes, kterou ti tajej. Vesum, se spům, česí, a kům. Halo, jubíra nás těl večíra. Halo, halo, jsem Jara Štěru. Picasso, jsem Davy, že jsem vojník, tak se štínu s černými. Vlej se plej.

c'est un métier comme celui de faire danser. voici donc Julien Clerc et puis suivi de Alison. Alison, c'est le titre de la chanson de Jordi. Oh, oh, oh. À vous c'est troublant. Je noirais bien si pour 10 ans, mais j'en prendrais pour 110 ans, au moins. Au moins 110 ans. Je retourne chez ma maman. Oh, oh. Moi chez ma maman. Que Charlotte. Oh là là. Alison. j'ai pris un verre d'Apollinaire au fond de l'amphi avant-hier. Un double calligramme sans glace, un cocktail de peur qui s'efface. Sur mon ardoise, la craie se fâche, elle raye ma vie en anti-sèche. Une goutte de blanc sur mon errance, je colle la page de mon enfance. J'ose, j'ose, sur un coup de tête, une gueule de joie, j'écris, je chante à l'encre de mes envies. Sur un coup de tête, une gueule d'effroi, je fuis, j'évite les vrais. Chapitre de l'audace, je quitte alors le bruit des classes. Dans les vapeurs de ma guitare, je m'éloigne des rimes du miroir. Je fuis la concordance des temps, je me balade sur mon cahier. Je n'hésiterai plus un instant à respirer l'air étouffé. J'ose, j'ose, sur un coup de tête, une gueule de joie, j'écris, je chante à l'encre de mes envies. Sur un coup de tête, une gueule d'effroi, je fuis, j'évite l'ivresse des indécis. Voici donc Mouloudji, et puis juste après lui, on écoutera Patrice Acas. Bel enfant, bel enfant, le printemps n'a qu'un temps, et si tu attends un peu plus longtemps, adieu tes 20 ans, tu m'entends, bel enfant, bel enfant, vole et cours vers l'amour, car les plus beaux jours sont bien les plus courts, quand ils sont perdus, c'est pour toujours. Fabrique-toi du rêve sans retard pour plus tard. Tous les romans s'achèvent, mais les souvenirs ne peuvent pas mourir. Bel enfant, bel enfant, et les lilas ne durent pas. Ah, tes parents sont là-bas, bon, bon, bon, bon, bon, mais n'hésite pas. Va peut-être, tu le regretteras. On fait toujours peur aux enfants. Les chansons, les romans finissent toujours mal. On leur dit, la vie c'est méchant, il n'y a que tourment. En amour, c'est fatal. Alors, à 20 ans, lorsque chante ton cœur, la raison te dit, tu vas droit au malheur. Les gens sont des fous et n'en croient rien surtout. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous, bel enfant, le printemps n'a qu'un temps, et si tu attends un peu trop longtemps, adieu tes 20 ans, tu m'entends, bel enfant, vole et cours vers l'amour. Car les plus beaux jours sont bien les plus courts, quand ils sont perdus, c'est pour toujours. Fabrique-toi du rêve sans retard pour plus tard. Tous les romans s'achèvent, mais les souvenirs ne peuvent pas mourir. Bel enfant, bel enfant, et les lilas ne durent pas. Ah, tes parents sont là-bas, bon, bon, bon, bon, bon, mais n'hésite pas. Va peut-être, tu le regretteras. Le printemps n'a qu'un temps, n'attends pas plus longtemps, bel enfant. Mademoiselle. J'entends bien ces silences. Qui est sous bord de l'amour? Toute évidence, n'a pas d'écho de retour. Je connais tes absences, ta façon d'être ailleurs. Qui Arc-en-ciel. Voici donc deux chansons tyroliennes. Adieu,

le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.